Très bien, mon Ernesto. Très bien, yes. Mahmoud. Dites, ça me fait du bien de retravailler, hein. Ça fait du bien. Il y a juste quelqu'un qui m'a envoyé très chouette chronique mercredi, mais je m'inquiète, t'as pas parlé de ta teub. T'es sûr que tu vas bien? J'avoue. Mercredi, même ma teub, elle était vexée, quoi. Après la chronique, elle m'a dit, alors comme ça, on fait des interventions à la radio publique et on parle pas de moi. Ma teub, elle a l'accent de Jean-Michel Apathy. Et vous allez me dire, c'est pas le vrai accent de Jean-Michel Apathy, mais ça, c'est à cause du téléphone, hein. En studio, vous auriez direct reconnu. Alors, mercredi, j'avais promis que j'expliquerais, comment calmer, mercredi, j'avais promis que j'expliquerais comment calmer mes angoisses en se touchant un maximum le corps. Et on pourrait passer directement, évidemment, au volet masturbation de cette chronique. Et on y arrive, Leïla, hein. Pas de panique. Ouais. Ah, du grivois, il y en a eu, il va y en avoir encore. J'ai pas fini d'en parler de ma teub, hein. Vous savez qu'elle était conseillère municipale. Ah. J'ai appris ça hier soir. Pour un parti de droite, en plus. Très, très. Alors, préambule. Le 11 février, je faisais ma dernière chronique. J'ai fait ma dernière chronique le 11 février à Radio France. Le soir même, je suis rentré à Bruxelles et depuis lors, j'ai littéralement touché personne. Ça veut dire que la dernière personne que j'ai touchée se trouve peut-être parmi vous, en fait. Et j'avoue que l'idée que la dernière personne que j'ai touchée dans ma vie soit Daniel Morin, ça m'aide à tenir, quoi. Franchement, c'est pour ça que je booste mon système immunitaire. Vraiment, je veux pas finir là-dessus, quoi. Ça fait 30 kiwis que tu je pense que toi, Daniel. Maintenant. Sur ma pierre tombale, il peut pas y avoir écrit « à toucher Daniel Morin, puis c'est éteint ». Il y a trop de monde à qui c'est arrivé. Trop de monde, quoi. Moi, je veux toucher au moins un autre poil, quoi, dans ma vie. Franchement. Bon. Je vous parlais du fait que j'étais seul et de mes crises d'angoisse. Alors, pour me calmer, ça, c'est vrai, je me mets nu et je me masse le torse avec un mélange d'huile de coco et d'huile essentielle de lavande. Mmh. Je fais ça tous les jours à 18h en live sur Instagram pendant 80 minutes. J'ai des invités. L'autre jour, c'était Cyril Lignac. Il m'a dit, ah, je n'ai plus d'huile essentielle de lavande. Est-ce que ça marche aussi avec de la margarine? J'ai dit, c'est marrant. Tu me rappelles quand même vachement Jean-Michel Apathy. Alors, margarine, oui, ça marche. Huile de moteur. Ça me rappelle ta teub. Margarine, huile de moteur, graisse de cheveux, mama jaune d'œuf. En fait, l'important, c'est de garder le contact avec sa peau, parce qu'on est des animaux sociaux, en fait. Moi, c'est peut-être ce qui me manque le plus dans ce confinement, c'est les hugs, quoi. Serrer les gens dans mes bras, quoi. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, si tu me demandais de choisir entre faire un hug et faire un cunnilingus. Et donc, on va passer au volet masturbation de cette chronique. Alors, quand on est angoissé, ça peut servir de se fixer des objectifs, hein. Le record du monde de la masturbation la plus longue, il tient toujours. Il a été établi en 2009 par un Japonais. 9h58 minutes, hein, c'est que 6 minutes de plus que le record du monde de la question la plus longue, qui est toujours détenue par Nagui. Hein, sérieux. Nagui, le temps qu'il pose une question, parfois l'invité, il a déjà joué dans un autre film. Vraiment. Toujours est-il que 10 heures non-stop à se masturber, ça paraît longuet, quoi. Mais bon, honnêtement, c'est maintenant ou jamais, hein. Vraiment, et vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais comment on fait pour homologuer le record? Eh bien, c'est là qu'avoir une connexion Internet illimitée est un plus, évidemment. Moi, personnellement, j'ai pas le forfait suffisant pour faire un FaceTime de 10 heures à me masturber devant un huissier de justice. Mais, pour nos auditeurs qui ont une Freebox KDSL, foncez, hein. Et vous allez me dire, oui, quid de nos auditrices? Eh ben, hier, j'ai passé ma journée à chercher sur Google record du monde de masturbation féminine et j'ai rien trouvé. Donc, du coup, il y a un coup à jouer, quoi. Allez, vous voyez, je me suis vraiment remis au boulot. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo, Guillermo.